106.3 fréquence Paris Pluriel. On est aujourd'hui le troisième lundi du mois, donc vous êtes dans la jungle des luttes, le petit programme mensuel du CSPCL, Comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. On est rediffusé également le jeudi matin pour ceux qui se lèvent tôt. Et donc aujourd'hui, on va être avec André pour un bon moment pour parler de Samuel Ruiz Garcia, qui était donc un évêque connu et reconnu au Mexique et notamment au Chiapas, et qui a été une figure importante dans le processus de formation de l'EZLN, si on peut dire. Enfin, important dans la relation avec les Indiens qui se sont qui ont formé l'EZLN, et également dans les processus de dialogue du temps où il y avait un dialogue entre l'EZLN et le gouvernement. Et évidemment, on va parler de cet évêque, puisque justement, il nous a quittés il y a quelque temps maintenant. Et donc, André a suivi son parcours un petit peu. Enfin, il va pouvoir nous en parler. On aura l'occasion donc de lire un communiqué qui a été écrit donc par le Comité clandestin révolutionnaire indigène, commandement général de l'armée zapatiste de libération nationale, qui a été écrit au mois de janvier 2011. Donc, récemment, on aurait bien aimé parler de la marche Bamako Mali, éventuellement un peu du forum avec des copains qui étaient. Des petits problèmes d'organisation, j'espère qu'on pourra remettre ça au mois prochain. Je vous donne tout de suite une date pour ceux qui ne pourront pas nous écouter jusqu'à la fin. Le samedi 5 mars, dans les locaux de la CNT au 33 rue des Vignoles, dans le 20e à Paris, métro Avron. Donc le samedi 5 mars, il y aura la projection du film Viva México, qui est un film fait par Nicolas Desfosses, qui est un film de 2h16 et un film qui, je pense, pourra nous ravir, puisque c'est 2h15 sur toutes les rencontres qui ont eu lieu lors de l'autre campagne. On a déjà à plusieurs reprises parlé de l'autre campagne, qui est une initiative zapatiste et qui est l'idée de pouvoir se faire rencontrer les luttes, se faire rencontrer surtout les luttes d'en bas et à gauche, évidemment, se rencontrer, se solidariser pour éventuellement un jour réussir à avancer et à lutter contre le capitalisme toujours et encore. Donc le 5 mars, le rendez-vous est à 17h au 33 rue des Vignoles. Venez nombreux, c'est, je pense, un bon film pour ceux qui ne peuvent pas se rendre le 5. Il y a toute la semaine sur Paris avec des dates sur Nanterre, sur Saint-Ouen et au lieu-dit également. Donc vous aurez sûrement des informations sur nos sites cspcl.ouvaton.org. Donc on fait une petite pause musicale avant de rentrer dans le vif du sujet avec André sur le personnage de Samuel Ruiz Garcia. Todos tenemos derecho a ser felices. Thank you. 6.3 FPP, vous êtes dans la jungle des luttes, programme mensuel du CSPCL. On est aujourd'hui pour parler notamment donc de Samuel Ruiz Garcia, qui est donc un évêque qui a été important dans la lutte indigène. Et donc, sachant que, on va peut-être plus tard parler des apatistes, évidemment, mais on va en profiter de pouvoir lire un communiqué donc, du comité clandestin révolutionnaire indigène qui, depuis 2 ans, n'avait écrit aucun communiqué. Donc, ça montre l'importance, justement, de cette personne, puisqu'il y a déjà un bout de temps donc, qui ne s'était pas manifesté. Donc là, c'était l'occasion pour nous de pouvoir lire et ce texte. Donc, je vous le lis, puis après, on écoutera André qui pourra nous parler. Donc, Mexique, janvier 2011, au peuple du Mexique. Le comité clandestin révolutionnaire indigène, commandement général de l'armée zapatiste de libération nationale, manifeste son chagrin de la mort de l'évêque émérite Don Samuel Ruiz Garcia. Dans le ZLN, militent des personnes de différents credos et d'autres sans croyances religieuses, mais la stature humaine de cet homme et de ceux qui, comme lui, marchent aux côtés des opprimés, des spoliés, des réprimés, des méprisés, appelle notre parole. Bien que nos différences, nos désaccords et nos distances n'aient pas été exceptionnelles ni superficielles, nous voulons aujourd'hui souligner un engagement et un parcours qui ne sont pas seulement ceux d'un individu, mais de tout un courant dans l'Église catholique. Don Samuel Ruiz Garcia ne s'est pas seulement distingué par un catholicisme pratiqué parmi et avec les dépossédés, il a aussi formé avec son équipe toute une génération de chrétiens engagés dans cette façon de pratiquer la religion catholique. Il ne s'est pas seulement soucié de la grave situation de misère et de marginalisation des peuples originaires du Chiapas, il a aussi travaillé avec une héroïque équipe pastorale à améliorer ses indignes conditions de vie et de mort. Tout ce que les gouvernements ont oublié dans leurs propositions pour mieux cultiver la mort est devenu mémoire de vie dans le diocèse de San Cristóbal de las Casas. Don Samuel Ruiz Garcia et son équipe ne se sont pas contentés de s'acharner à obtenir la paix dans la justice et la dignité pour les indigènes du Chiapas. Ils ont aussi risqué et risquent encore leur vie, leur liberté et leurs biens sur ce chemin barré par l'orgueil du pouvoir politique. Déjà, bien avant notre soulèvement de 1994, le diocèse de San Cristóbal a subi le harcèlement, les attaques et les calomnies de l'armée fédérale et des gouverneurs successifs de l'État. Les gouverneurs du Chiapas ont harcelé ceux qui, au diocèse de San Cristóbal, se sont opposés à leur tuerie et à la gestion de l'État comme il s'agissait d'une hacienda du temps de Porfirio Diaz. À partir de 1994 et de son travail au sein de la Commission nationale de médiation, en compagnie des femmes et des hommes qui ont formé cette instance de paix, Don Samuel a été l'objet de pressions, de harcèlements et de menaces, y compris des attentats contre sa vie de la part du groupe paramilitaire mal nommé Paix et Justice. Et alors qu'il était président de la CONAI, Don Samuel a subi aussi, en février 1995, une menace d'emprisonnement. Ernesto Cedillo Ponce de León, comme élément d'une stratégie de diversion, comme cela se passe actuellement, pour cacher la grave crise économique dans laquelle lui-même et Carlos Salinas de Gortari avaient plongé le pays, a réactivé la guerre contre les communautés indigènes zapatistes. En même temps qu'il lançait une grande offensive militaire contre le ZLN qui a échoué, Cedillo s'en est pris à la Commission nationale de médiation. Obsédé par l'idée d'en finir avec Don Samuel, celui qui était alors président du Mexique et à présent employé de multinationales, a mis à profit l'alliance qui, sous la tutelle de Carlos Salinas de Gortari et de Diego Fernández de Ceballos, s'était forgée entre le PRI et le PAN. À cette époque, lors d'une réunion avec la haute hiérarchie de l'Église catholique, celui qui était alors procureur général de la République, le membre du PAN et fanatique du spiritisme et de la sorcellerie les plus ringards, Antonio Lozano Gracia, a brandi face à Don Samuel Ruiz Garcia un document qui comprenait un mandat d'arrêt à son encontre. Et on raconte que le procureur, diplômé en sciences occultes, a dû affronter les autres évêques, parmi eux Norberto Rivera, qui ont pris la défense du titulaire du diocèse de San Cristobal. L'alliance prit panne, à laquelle ensuite s'uniraient au Chiapas le PRD et le PT, contre l'Église catholique progressiste ne s'est pas arrêtée là. Les gouvernements fédéraux et de l'État ont parrainé des attaques, des calomnies et des attentats contre les membres du diocèse. L'armée fédérale n'est pas demeurée en reste. En même temps qu'elle finançait, entraînait et équipait les groupes paramilitaires, elle faisait courir le bruit que le diocèse semait la violence. La thèse d'alors, et qui est aujourd'hui répétée par des idiots de la gauche en chambre, était que le diocèse avait formé la base et les cadres de direction de l'EZLN. On a vu un petit exemple du large échantillon de ces arguments ridicules lorsqu'un général a montré un livre comme preuve des liens du diocèse avec les transgresseurs de la loi. Le titre du livre accusateur était « L'évangile selon saint Marc ». Aujourd'hui, ces attaques n'ont pas cessé. Le Centre de droit de l'homme, des droits humains, Fray Bartolomé de las Casas, reçoit continuellement des menaces et fait l'objet de harcèlement. Non content d'avoir été fondé par Don Samuel Ruiz Garcia et d'être d'inspiration chrétienne, le Fraiba a comme circonstance aggravante le fait de croire à l'intégralité et à l'indivisibilité des droits humains, au respect de la diversité culturelle et au droit à la libre détermination, à la justice intégrale comme condition requise pour la paix et au développement d'une culture de dialogue, de tolérance et de réconciliation dans le respect de la pluralité culturelle et religieuse. Rien de plus dérangeant que ces principes. Et cette gêne parvient jusqu'au Vatican, où on manœuvre pour séparer le diocèse de San Cristobal en deux, de façon à diluer l'alternative parmi les pauvres, pour eux et avec eux, dans celle plus accommodante qui lave les consciences dans l'argent. Profitant du décès de Don Samuel, on réactive ce projet de contrôle et de division. Parce que là-haut, ils comprennent que l'option pour les pauvres n'est pas morte avec Don Samuel. Elle vit et agit dans tout ce secteur de l'Église catholique qui a décidé de se montrer conséquent avec ce qui est prêché. Pendant ce temps, l'équipe pastorale et en particulier les diacres ministres du culte et catéchistes, indigènes catholiques des communautés, subissent les calomnies, les insultes et les attaques des nouveaux amants de la guerre. Le pouvoir garde la nostalgie de son époque de suzeraineté et voit dans le travail du diocèse un obstacle pour réinstaurer son régime de seigneurie féodale. Le grotesque défilé de personnages de la vie politique locale et nationale devant le cercueil de Don Samuel n'est pas fait pour l'honorer, mais pour vérifier avec soulagement qu'il est bien mort. Et les médias locaux font semblant de déplorer ce dont en réalité ils se réjouissent. Par-dessus toutes ces attaques et conspirations ecclésiales, Don Samuel Ruiz et les chrétiens, comme lui, ont et auront une place particulière dans le cœur basané des communautés indigènes zapatistes. Aujourd'hui, qu'il est à la mode de condamner toute l'Église catholique pour des crimes, des exactions commises ou omises par certains de ces prélats, aujourd'hui que le secteur autoproclamé progressiste trouve divertissant de se moquer et de tourner en dérision l'Église catholique tout entière, aujourd'hui qu'on encourage à voir dans tout prêtre un pédophile en puissance ou en activité, aujourd'hui, il serait bon de tourner son regard vers en bas et de trouver là ceux qui, comme Don Samuel auparavant, ont défié et défient le pouvoir. Parce que ces chrétiens-chrétiennes croient fermement que la justice doit régner aussi dans ce monde et c'est ainsi qu'ils le vivent et le meurent, en pensée, en parole et en acte. À l'EZLN, catholiques et non-catholiques, croyants et non-croyants, nous n'honorons pas seulement aujourd'hui la mémoire de Don Samuel Ruiz Garcia. Également et surtout, nous saluons l'engagement conséquent des chrétiens-chrétiennes croyantes, qui, au Chiapas, au Mexique et dans le monde entier, ne gardent pas un silence complice face à l'injustice et ne restent pas immobiles face à la guerre. Don Samuel s'en va, mais beaucoup d'autres restent, beaucoup de femmes et d'hommes qui, dans et par la foi catholique chrétienne, luttent pour un monde terrestre plus juste, plus libre, plus démocratique, c'est-à-dire pour un monde meilleur. Salut à elles et eux, car c'est de leur insomnie aussi que naîtra demain. Liberté, justice, démocratie depuis les montagnes du sud-est mexicain. Et donc traduit par El Viejo, merci à lui, puisque souvent il traduit des textes que l'on diffuse justement sur notre site. Donc je répète l'adresse du site, c'est cspcl.ouvaton.org. Il y a quelques-unes des lettres et peut-être celle-ci qui y figure. Donc on verra, on voit qu'en général, on a toujours fait un distinguo entre le mouvement zapatiste et un mouvement religieux ou un mouvement ethniciste, etc. Donc effectivement, en général, on a toujours mis de côté ce type de valeur. Il n'est pas question de morale, mais de principe politique, d'une lutte, d'un combat, etc. Par contre, effectivement, quand on lit ça, on se rend bien compte qu'il y a une dimension importante au niveau de l'organisation. Donc, effectivement, ce n'est pas Samuel Ruiz qui a formé les cadres de l'EZLN, c'est spécifié, mais je pense que, André, tu peux peut-être nous parler justement de l'importance et du rôle qu'a eu Samuel Ruiz et pourquoi cette figure est si prégnante. Oui, alors bonsoir Virginie, bonsoir tout le monde. D'abord, je dois dire que j'ai été très touché d'entendre ce communiqué de l'EZLN. D'une part, parce que c'est assez exceptionnel, il intervient après 2 ans de grand silence. Il n'y avait pas eu de communication officielle, publique, de la part de l'EZLN depuis le début 2009. Et par le contenu de cet hommage à Samuel Ruiz, et pas seulement à sa personne, ça s'est insisté lourdement, qu'il s'agit d'une reconnaissance aussi de tous les efforts qui sont faits autour de lui, par ses équipes qu'il a su former. Alors, je voudrais essayer de retracer un peu son parcours dans ce diocèse du Chiapas, où il est arrivé en fin 59, jeune évêque, 35 ans, bien formé de manière traditionnelle. C'était quelqu'un de brillant, certainement, qui avait étudié à Rome, et qui arrive là, donc, dans un pays où l'Église est une puissance, l'Église est puissante, et où donc l'évêque est un notable, allié naturel des puissants. Et donc Samuel Ruiz arrive dans ce contexte, donc jeune évêque, ayant tout à apprendre. Et sa première démarche, ça a été de faire connaissance, de prendre un petit peu connaissance de ce monde qui l'entourait et qui était composé de nombreuses communautés indigènes. Donc au début, d'après ce que j'ai compris, en fait, j'ai lu pas mal de documents, notamment des écrits d'André Aubry, qui était un proche de Samuel Ruiz. Oui, on a eu l'occasion de parler justement d'André Aubry. Oui, André Aubry, qui malheureusement nous a quittés il y a 4 ans de cela, dans un accident. Et donc, il manifestait que au départ, Samuel Ruiz était reçu, quand il se déplaçait, était reçu par les propriétaires, los finqueros. Et très vite, il a ouvert les yeux sur la réalité et s'est rendu compte qu'il y avait une contradiction entre la position qu'il avait et la réalité sociale de cette zone, de ce pays. Et il s'est mis à ce moment-là à se tourner vers les indigènes, sans doute de manière, disons, paternaliste au début, en ce sens que c'est lui qui venait pour apporter la bonne parole et les gens avaient à recevoir. Et puis, au fur et à mesure, il a évolué, il s'est converti, ou plutôt, comme il dit souvent, les indigènes m'ont converti. C'est-à-dire qu'il y a eu une transformation chez lui. Il s'est rendu compte qu'il avait, lui, à recevoir, qu'il avait, lui, à apprendre. Donc ça, c'est dans les années... C'est assez vite. C'est dans les années 60-70. Et donc, par rapport à la théologie. Alors, c'est ça. Alors, c'était le moment où se développait, d'une part, il y a eu le concile, le rassemblement des évêques à Rome, qui a été un moment d'ébullition et de réflexion. Ça a été suivi quelques années plus tard, en 68, par la conférence des évêques latino-américains à Medellín, en Colombie, qui a été un moment important, très important, dans l'orientation, disons, libératrice de l'Église. Et là, les théologiens de la libération ont eu place et ont pris place. Et Samuel Ruiz s'est beaucoup engagé dans ce sillage. Et ça lui a aussi ouvert la tête et les yeux sur la manière d'aborder son action, son activité. D'appréhender sa mission. Ouais. Voilà. Donc ça a été un peu la première phase, disons, d'apprentissage jusque fin des années 60, quoi, début 70. Et puis, très vite, donc, ayant pris conscience de ces réalités-là, il met en place tout un système, une catéchèse, un système de formation. Travailler à former humainement, et aussi au niveau de la doctrine chrétienne, les gens, des communautés, qui seraient susceptibles de prendre en charge eux-mêmes leur communauté. Et ça, c'est une intuition très forte qu'il a gardée jusqu'au bout. Ça a été plutôt que de faire venir des missionnaires de l'étranger pour apporter la bonne parole. Donc, c'est les gens eux-mêmes qui étaient amenés à réfléchir, à voir quels étaient aussi leurs problèmes, quelles étaient aussi les solutions qu'ils pouvaient entrevoir et mettre en œuvre. Et ça, ça a été quelque chose d'assez extraordinaire, qui a duré jusqu'au bout de sa mission. Mais donc là, à cette époque-là, il est au Chiapas, hein, uniquement au Chiapas. Alors, il n'a pas... Bon, c'est un homme qui a voyagé beaucoup. Ouais, c'est ça. Hein, c'est un homme qui a voyagé beaucoup. Il est resté toujours évêque du Chiapas et très enraciné, parce que cette connaissance du monde indigène, il l'a vécue vraiment sur le terrain, en sillonnant les chemins, en allant sur place et en rejoignant les communautés les plus éloignées. Et là, il n'a pas craint de salir ses bottes, quoi. D'ailleurs, on l'appelle le El Caminante, l'itinérant, enfin le marcheur. Il se déplaçait à pied, à cheval ou en voiture. Est-ce qu'on écoute un petit cantique, Pablo? Petite pause musicale et on revient ensuite toujours sur cette histoire, sur ce parcours de Samuel Ruiz. Oh. 106.3, Fréquence Paris Pluriel, la jungle des luttes. On est ensemble encore une heure. On parle de l'évêque Samuel Ruiz Garcia qui nous a quittés il y a quelques temps et qui était très important dans le panorama de la lutte de ceux d'en bas au Mexique et notamment au Chiapas. Et on était avec André qui justement a bien suivi son parcours et qui nous parlait donc de son engagement dans le sillage de la théologie de la libération et qui de toute façon avait déjà lui-même mis en œuvre déjà cette démarche d'aller de vraiment travailler sur le terrain et de ne pas rester auprès des hommes de pouvoir seulement dans les églises. Voilà, donc on a vu un peu comment a germé au Chiapas une église indigène, hein, dans laquelle les gens sont vraiment acteurs et responsables. Et bon, maintenant, je vais signaler comme ça quelques dates. Hein. On est donc à la fin des années 60. En 69, je signalerai la création du DESMI. Le DESMI, c'est un centre de développement économique et social des Mexicains indigènes. Je dis ça, c'est pour marquer que Samuel Ruiz n'était pas uniquement soucieux de la formation spirituelle, disons, mais qu'il avait vraiment le sens de développer une formation humaine et d'aller dans le sens d'une prise en compte de toutes les réalités sociales. On peut peut-être préciser justement que DESMI est aujourd'hui toujours actif et travaille notamment dans la zone zapatiste, oui, pas dans tous les endroits, non, mais à des projets, soutient justement avec des coopératives. Oui, tout à fait. Donc c'est un travail qui a bien pris, ce n'était pas seulement la création. Oui. L'année suivante, en 70, il organise au niveau de, donc là c'est au niveau chrétien, au niveau des églises, une rencontre à Sicotépec, je crois, je ne sais pas trop où c'est. Mais bon, c'est une rencontre qui a marqué, en ce sens que ça rassemblait des délégués des communautés indigènes qui étaient invités à exposer leur vision de leur réalité, mais aussi de leur vision de comment ils voyaient le monde de l'Église leur traditionnelle, disons quoi. Donc ça, ils étaient amenés à entrer en débat. Et ça, ça a été, paraît-il, un moment très très fort. Aussi où les gens, les délégués des communautés, se sont sentis, pris au sérieux et valorisés, respectés. On fait un petit saut en 74, où là se produit à San Cristobal un événement qui a eu un gros retentissement, c'est le congrès indigène. À l'origine, ça avait été lancé par le gouvernement. Et puis, voyant qu'il n'avait pas tellement la capacité, en particulier, il n'avait pas la capacité de mobiliser. Ni vocation, d'ailleurs, sans doute. Ni vocation. Mais enfin, il s'est tourné vers l'évêque, qui a dit OK, mais à condition que vraiment les indigènes soient partie prenante. Et alors, ce sont des milliers de gens qui se sont rassemblés à San Cristobal et qui ont fait des ateliers, qui se sont rencontrés en groupe selon des thématiques où il était question de la terre, il était question de la santé, il était question de l'éducation, entre autres. Et ça a été, là aussi, des moments forts. Des moments de forte prise de conscience aussi. Et voilà. Et en 75, Samuel Ruiz ordonnait le premier diacre indigène. Alors ça veut dire, le diacre, c'est une fonction sacrée dans l'Église, mais c'est, un délégué de l'évêque dans une communauté. Donc c'est un peu un poste de responsabilité. Et ensuite, il a multiplié donc ce genre de service qu'il a mis en place, qui en fait remplace un peu les prêtres, parce que ce sont donc les diacres qui ont les communautés en charge. Et alors ça, du coup, ça a été aussi mal perçu du côté du Vatican, ça allait trop loin, ils perdaient le contrôle. Et ils avaient peur que se forme une église parallèle, indépendante, autonome. Et donc là, les ennuis n'ont pas commencé là, je pense qu'ils avaient commencé auparavant. Mais enfin, ça s'est développé. Ça devient lisible, oui. Et puis, d'une part, le gouvernement qui se rendait compte aussi du poids qu'avait Samuel Ruiz et puis aussi des effets sur un esprit émancipateur et contestataire. Et d'autre part, l'Église, on vu d'un mauvais œil le travail de Samuel Ruiz et on fait pression pour qu'il dégage. Donc ça, c'était en 75. Ça, c'était disons, dans 75. Ouais. Et puis arrive fin des années 70, enfin début des années 80, l'afflux des réfugiés du Guatemala. Et ça a été un problème crucial, spécialement au Chiapas, puisque le Chiapas est frontalier avec le Guatemala. Et donc arrivaient par milliers les réfugiés. Dans les pires conditions. Et Samuel Ruiz s'est très fort engagé au niveau de l'accueil des réfugiés et de l'organisation de services pour que ces gens-là puissent reprendre vie. Et à ce moment-là, il était difficile d'évincer l'évêque qui était nécessaire dans à cet endroit-là. Ouais, sur le terrain, finalement, pour maîtriser aussi. Et voilà. Et plus tard, en 89, c'est le communiqué de ZLN le signale, donc création du FREBAT, du Centre de droits humains Fray Bartolomé de Las Casas, qui est aujourd'hui aussi toujours très vivant. Et comme la lettre le précise, menacé. Toujours menacé, harcelé. Pour le travail qu'il fait justement dans les communautés de dénonciation, puisque justement on en a plusieurs et fois. Et ça date depuis le départ. Ils ont été mal vus depuis le départ. Parce que c'était pas un centre conçu comme bureaucratique, c'était un centre qui se voulait populaire. À la base, avec le travail des gens dans les communautés qui apportaient les informations et qui étaient informations qui étaient vérifiées, etc. Mais enfin, il y avait tout un travail de documentation qui se faisait avec la participation des gens. Et en 91, il y a une petite histoire là que je trouve rigolote. Rigolote. Maintenant, on peut dire ça. Oui. En 91, le gouverneur de l'époque, qui s'appelait Patrocinio González, reçoit une délégation du diocèse qui venait réclamer la libération d'un prisonnier qui avait été faussement accusé. Et le gouverneur déclare à cette délégation qu'il voulait parler avec le chef du cirque et pas avec ses fauves. Je trouve ça pas mal. Finalement, donc, le mépris était déjà... L'évêque, c'était le chef du cirque. Mais de toute façon, il y avait une rupture, quand même, juste on le signale, puisque quand même ça a été fortement marqué, la rupture de l'État mexicain avec l'Église catholique, puisqu'il y a eu jusqu'à 92, officiellement, une très grosse rupture. Il n'y avait jamais eu de visite du pape dans ce pays très catholique, tout à fait, très chrétien, jusqu'à justement 92, je crois que c'était. Oui. Il y avait quand même eu une... La première visite du pape en 93. Oui, voilà, c'est ça. Donc, ce qui est pour une. Non, mais comme tu disais, un pays très catholique, etc., mais il y avait une sorte de grosse pression institutionnelle quand même. C'était très ambigu, oui. Oui, il y avait un espèce d'anticléricalisme. Uh-huh. En même temps, il y avait une alliance de pouvoir, parce que. Oui, hein, mais forcément, une alliance de pouvoir, mais officiellement, il tenait... Oui. Tout à fait. Et alors, l'année suivante, 93, on avance, hein, 93, la rumeur circule et s'est relayée abondamment dans la presse, rumeur selon laquelle l'évêque du Chiapas, Samuel Ruiz, va être destitué, va être déboulonné par le Vatican. Donc, gros émoi dans le diocèse et dans le monde un petit peu d'obédience, de cette obéissance-là. Et le nonce, c'est-à-dire l'ambassadeur du Vatican, convoque Samuel Ruiz, de fait, au mois de novembre. Le nonce s'appelle Prigione. Et il convoque l'évêque et il lui dit qu'il est très gênant qu'il demeure comme évêque du Chiapas à cause des erreurs, des graves erreurs doctrinales. Dans ces cas-là, les erreurs doctrinales sont toujours graves. Les graves erreurs doctrinales qu'il commet et par ses défaillances dans la conduite de son diocèse. Et donc, il lui dit, il l'invite à remettre sa démission volontairement. On peut peut-être spécifier qu'à cette époque-là, justement, 93 au Chiapas, il y avait eu déjà, les autorités avaient repéré des mouvements armés, groupes armés, donc entre autres donc, le ZLN, qui effectivement avait été repéré puisqu'ils avaient commencé à se constituer depuis le début des années 80, mais ont vraiment grossi qu'au moment des 89. À la chute du mur, là, il y a eu une formation de l'ZLN, d'après l'histoire, donc qui est quand même assez importante, et donc effectivement qui a pu devenir visible en 93, puisque c'est en 92 que les zapatistes, l'organisation zapatiste, décide la guerre qui aura donc lieu en 94. Donc effectivement, il y a peut-être un moment où il y a une connexion qui s'est faite entre la formation de mouvements armés au Chiapas dans une zone où lui avait justement eu déjà un travail de prise de conscience, d'organisation, pousser les gens à s'organiser. Tout à fait. Donc, il y a cet événement-là. Alors, l'évêque... Il lui donne le temps de réfléchir ou quoi ? L'invite à remettre... Oui. Non, c'est pas comme ça. Hein. Non, il était convoqué. Dans ce monde-là, ça se passe pas comme c'était ça. C'était un avertissement. Mais voilà, il était invité... À remettre volontairement sa démission. Là-dessus, Samuel Ruiz, qui a quand même une certaine répartie, lui répond « Je suis prêt à obéir au pape, mais il faut que je discerne entre l'obéissance au pape et la soumission à l'empereur. » Et ça s'est arrêté là. Donc je vais réfléchir. Hein ? Pour vérifier, pour discerner entre les deux. Ouais. Qu'est-ce qui motivait cette... Et il revient au Chiapas, et quelques semaines plus tard, vers le 25 novembre, grand rassemblement à San Cristobal, c'est-à-dire que Samuel Ruiz fait une convocation à son diocèse pour exposer ce qui se passe. Et donc, il y a un rassemblement de entre 15 et 20 000 indigènes qui sont descendus sur San Cristobal en soutien à l'évêque. Important, là, non ? Et là, faut bien dire qu'il n'y avait pas les cars ni les trains de la SNCF. Hein, c'était à pied, on sait comment ça se passe. Les gens étaient venus. Voilà. Et ça a été extraordinaire, vraiment extraordinaire. Et puis voilà que quelques semaines plus tard, puisque là on est fin novembre, quelques semaines plus tard, éclate le soulèvement zapatiste. Et là, branle-bas de combat, tout le monde est pris à l'improviste. Et très vite, il s'avère que l'évêque est nécessaire. Et donc ceux qui voulaient son départ se mettent à dire non, faut le garder, faut qu'il reste là. Oui, parce que justement, il va avoir le rôle de médiateur. Parce que c'est là que commence, c'est ça. le travail, il va commencer le travail de médiation avec le qui commence dès février 94 avec les fameux dialogues dans la cathédrale. Voilà. On fait une petite pause musicale. On revient tout de suite. Musique. .3 FPP, la jungle des luttes, l'émission mensuelle du CSPCL. On est avec André pour parler de Samuel Ruiz Garcia, donc un évêque qu'on a perdu il y a quelques temps. Je dis qu'on a perdu, puisque en fait c'était effectivement un personnage assez proche des gens. Moi, à plusieurs reprises, j'ai pu le voir sur des places ou à des événements. C'était effectivement quelqu'un de simple et qui a donc beaucoup travaillé à ce que les communautés indigènes s'organisent, s'émancipent, s'instruisent, réfléchissent, et donc a un caractère progressiste et puis un peu révolutionnaire du côté de l'Église. Et donc justement, au moment où il y a eu le soulèvement, il n'était pas loin d'être mis sur la touche, mais finalement, au moment du soulèvement zapatiste, étant donné la situation, puisque donc je rappelle que le 1er janvier 1994, les zapatistes se soulèvent, déclarent la guerre à l'État. Il y aura eu 12 jours de guerre, qui donc de guerre ce qui signifie donc le feu, des armes, etc. Et donc une mobilisation de la société civile qui permet de mettre un terme à cette guerre. Et donc la décision d'un dialogue entre le ZLN et le gouvernement et donc des débuts de discussions qui se feront justement donc dans la cathédrale à Saint-Christobal et donc évidemment par grâce et par l'intermédiaire de Samuel Ruiz comme médiateur. Et donc Dédé, à toi si tu veux bien continuer à reprendre le parcours de ce personnage. On va continuer. Donc on est à cette époque-là. Avec cette fonction maintenant que Samuel a pris lors du soulèvement sympathiste de médiateur. Et cette fonction, il ne va pas l'assumer tout seul. Très vite, je crois que c'est vers octobre 1994, il met en place ce qu'on appelle la CONAI, une commission d'intermédiation composée de personnalités de la société civile et qui travaille donc à essayer d'instaurer un dialogue entre le ZLN et les instances gouvernementales. Cette commission fera son travail pendant à peine 4 ans, je crois qu'elle s'arrête début 98. Suite aux tracasseries et aux intrigues gouvernementales, la commission décide d'interrompre. Parce que c'est plus possible. Sachant qu'effectivement, en fait, il y a des accords qui ont été signés en 96. Qui était resté lettre morte et oui. Donc qui, du coup, de ce fait-là, avait oui. mis un terme. Les accords de 96 devaient être une phase. Il y avait quatre tables qui étaient préparées. Il y a une première table seulement, on l'a déjà dit plusieurs fois. Et donc, c'est cette première table où les premiers accords, c'était les accords de Saint-Andrés sur les droits et la culture indigène. Oui. Donc, ça, c'est les premiers accords qui avaient été acquis, mais il fallait poursuivre et ça n'a jamais été poursuivi. Et les accords eux-mêmes signés n'étant pas honorés. Donc, il y avait une situation oui. de. Oui. Statu quo. Voilà. Alors, bon, parallèlement à ça, le harcèlement dont Samuel Ruiz est victime continue, les menaces aussi. Et Rome, toujours, suspecte l'évêque d'être en dehors de la ligne droite. Parce qu'en plus, on n'a pas spécifié, effectivement, mais au moment du soulèvement, il y a eu évidemment plusieurs thèses qui ont été développées sur comment est-ce possible que des indigènes soient armés oui, et soient organisés. Suspecté l'évêque d'être seulement de mèche, mais même l'instigateur. Et puis la question du financement, etc. Ça posait des questions. Bien sûr, toutes les dénonciations, toutes les calomnies étaient bonnes. C'est ça, puisque publiquement, c'était dénoncé. Alors, c'était au niveau, des gouvernants, mais c'était au niveau des journalistes aussi. Je pense à Bertrand de Lagrange, qui, après avoir sévi au Nicaragua dans les années 80, était correspondant du Monde lors du soulèvement sympathiste. Pas brillant. C'est incroyable ce qu'il a pu écrire. Et encore aujourd'hui, parce que j'ai fait une recherche et je regarde. Bertrand de Lagrange a écrit un article suite à la mort de l'évêque où il exprime son soulagement et sa joie. C'est quand même gonflé. Et le titre de l'article, c'est Obispos nocivos, les évêques nocifs. Bon. Samuel Ruiz, voilà, c'était un. Bon, enfin bref. Rome. Donc en 1995, Rome envoie un évêque coadjuteur, c'est-à-dire un évêque adjoint, à Samuel Ruiz, avec droit de succession. C'est-à-dire qu'il était convenu que lorsque Samuel Ruiz prendrait sa retraite, l'autre lui succéderait. Donc c'était l'autre qui était intronisé, mis en place. Il semblait donc que ce nouvel évêque, Raoul Vera, venait avec la mission de remettre de l'ordre dans le diocèse Suivre la ligne. Et de suivre la ligne traditionnelle, enfin, et de ne pas se mêler de politique et de ceci, de cela, d'être un bon évêque. Bon, moi, je me suis trouvé à rencontrer Raoul Vera. J'étais avec un copain qui travaillait dans le diocèse. Et on a été reçu par Raoul Vera à un moment où, quelques mois après son arrivée, il rentrait d'une tournée dans les communautés. Et alors, je dois dire, Samuel Ruiz l'a accueilli comme un frère. Il lui a dit, bon, la seule chose que je te demande, de ne pas prendre de position publique avant d'avoir fait le tour des communautés. Chose qu'il a fait. Raoul Vera est parti sur les chemins et là, il a été très courageux aussi hein, pour rejoindre, aller rejoindre les communautés dans les endroits impossibles et vivre à la dure. Et le jour où je l'ai rencontré, il était crevé, il rentrait de tournée, il avait les souliers tout crottés. Et je sentais un homme qui était travaillé, inquiet et vraiment, oui, bouleversé un peu. Mais on ne savait pas encore qui ça allait être. Si on pouvait faire confiance voilà. Ou pas. Bon. Mais très vite, eh ben, il est revenu vers Samuel Ruiz et lui a dit, écoute, j'ai fait le tour des communautés et je suis avec toi. Donc, on travaille ensemble, je suis avec toi. Et de fait, très vite, il a dénoncé les exactions des paramilitaires avec une virulence que n'avait pas Samuel Ruiz. Il est arrivé quand, lui ? Octobre 1995. Ah oui. Et il n'avait pas la diplomatie de Samuel. Il était plus... Rentre dedans. Oui, oui. Bon, peut-être qu'il a appris maintenant, un peu plus habile, je ne sais pas. Mais ça a été un épisode quand même assez fort, quoi. Cette transformation, ce revirement. Et aussi, on peut imaginer ben, la réaction du Vatican, à Rome hein, et au niveau du gouvernement de voir cette évolution-là. Et donc, quand Samuel Ruiz va démissionner pour raison d'âge, 75 ans, il remet sa démission. On lui dit donc merci. Il a fait 40 on ans. Lui dit merci. Raoul Vera, qui aurait dû prendre la succession, est nommé, promu, à l'autre bout du pays, à Saltillo, c'est dans le nord du Mexique. Et voilà. De manière à être sûr qu'il n'y ait pas quelqu'un de terrain. Le diocèse a été sanctionné, manifestement. Mais donc, ben voilà, on arrive un petit peu au bout de ce parcours hein, d'activité de Don Samuel. Il a pris sa retraite à 75 ans, il est mort à 86 ans, donc le 24 février, ça fait le 24 janvier, ça fait pas un mois. Il a eu une vie active jusqu'il y a 2-3 mois. Il avait conservé certaines missions de médiation. Il était appelé à droite et à gauche. Oui, parce qu'on entendait parler de lui régulièrement. Ah oui. Il était à la retraite, mais actif. Oui, active encore et toujours présente. Et je crois que ben, moi, je garde de lui ben, l'image d'un homme en marche, c'est-à-dire qui ne s'est pas arrêté quoi, à un certain moment et qui a continué à avancer. Et quand il se nommait comme étant le... El Caminante, je crois que c'est un beau titre. Et pour beaucoup, je crois qu'il était aussi un père, et comme un père protecteur. Il avait un côté sécurisant, cet homme. Et les gens, enfin les indigènes, l'appelaient El Tatic, le père. Mais je crois que pour eux, c'était, oui, quelque chose de... La personne de confiance aussi, oui, je pense que c'était... Oui, personne de confiance, oui, confident et... Oui. Parce que de l'extérieur, je sais, tu parlais de Raoul Vera, de l'extérieur, moi, je n'ai pas tant senti... Enfin, oui, mais ça, c'est des visions. Mais c'est vrai qu'on parlait tout le temps de Samuel Ruiz. Et c'est vrai que Raoul Vera, Pour ceux qui ont toujours un doute sur les figures d'église, etc., j'avais pas réalisé peut-être à quel point il avait vraiment suivi la ligne de Samuel Ruiz, parce que ça a quand même fait défaut pourtant. Il a et il continue, Raoul Vera. Parce que c'est comment il s'appelle celui qui est là actuellement Ah, mais maintenant c'est Felipe Arismendi. Oui, voilà. Qui alors, donc, bon, on aurait pu craindre, évidemment, on aurait pu craindre que ce soit un évêque très traditionnel qui arrive là. En fait, disons, c'est un évêque traditionnel, mais enfin, ça aurait pu être pire, quoi. Il n'a pas démoli le travail des autres. Donc ça, c'est quand même... Ceci dit, comme il y a les paramilitaires qui s'en occupent, mais enfin, il y a toujours, comme là, le ZLN salue les équipes Ces équipes sont toujours là. Formées. Hein. Oui, non, mais bien sûr. Donc, bon, non, mais c'est pour ça que c'était important de le lire, parce que c'est vrai qu'en général, il y a toujours eu une mise à distance avec l'Église, entre le ZLN et l'Église. Oui. Je pense que c'était important de le lire pour voir dans quelle mesure, finalement, il y avait quand même une reconnaissance du travail fait dans les communautés et sur la base. Mais Raoul Vera, par exemple, c'est très engagé ces dernières années auprès d'Atenco, des paysans d'Atenco. Il les a beaucoup soutenus. Atenco, qui est une communauté aux alentours de Mexico et qui a lutté pendant des années. Alors maintenant, le FREBAT, le Centre de droits humains de Fray Bartolomé de las Casas, a nommé Raoul Vera président de leur organisation. Avant, c'était Samuel Ruiz. Maintenant, c'est Raoul Vera. Bon, on peut être un petit peu partagé, parce que on aurait pu penser que le Frébart puisse prendre aussi un petit peu de... Puisse couper un peu le cordon ombilical, quoi. Mais peut-être qu'il y a aussi d'autres facteurs qui font que ce soit intéressant de garder quelqu'un comme ça, quoi. Bah, peut-être par... Est-ce que je retiens garder par rapport à la mémoire aussi de Samuel aussi, Ruiz. Aussi, c'est, lui qui avait fondé. Bon, oui. Il y avait... Ce que je retiens aussi. Puis peut-être aussi pour avoir une sorte d'assise, parce que finalement, à partir du moment où dans ce pays, justement, catholique, etc., avec répression, oppression, réprimée, exaction, etc., d'avoir quelqu'un qui a un poids moral. Dans cette société-là. Et bon, je terminerai peut-être en disant que pour moi, bon, Samuel Ruiz, c'était un homme libre. Hein, et peut-être le premier fruit de la théologie de la libération sur lui, ça a été de le libérer lui-même, quoi. Enfin, ça a été d'assumer lui-même, en tant que personne, une libre. Et pour terminer, à propos de la théologie de la libération, le gros problème, je crois, avec la théologie de la libération, pourquoi la théologie de la libération a fait tant de polémiques, a suscité tant d'oppositions au niveau du Vatican, au niveau des puissants, c'est pas à cause de la théologie, parce que au niveau de la doctrine, ils sont rigoureux comme les autres, c'est la libération. C'est la libération, en sens que, comme dit le communiqué de l'ZLN, ce qu'ils prêchent, ils le font. Il s'agit d'une pratique. Oui, donc il y a forcément des répercussions. Il s'agit d'une pratique. Et ça, ce n'est pas supportable. Voilà. Je crois que c'est ça. On fait une petite pause. Bon, et puis musicale, on s'arrête un petit peu avec Samuel. On va remercier André pour son intervention. Et une petite pause musicale. On revient tout à l'heure avec quelques petits points d'information. Que viven en la montaña. uniforme, negro con los pantalones, la camisa de café, las gorras son igualitas. Y paliacate rojo, enredado por los cuellos, y paliacate rojo, enredado por los cuellos. FPP, la jungle des luttes, on est ensemble quelques instants. Donc bon, on avait prévu éventuellement de parler dans cette deuxième partie d'émission de la marche Bamako Mali. Donc on ne peut pas vous en parler parce qu'on n'a pas les invités, mais on espère que le mois prochain ça pourra se faire. Ce serait intéressant d'avoir des nouvelles, pas tant du forum social, effectivement, puisque ça on a facilement des informations et puis on sait ce qui s'y passe. En général, il y a quand même beaucoup de gens du pouvoir qui y sont. Et donc, même si c'est l'occasion, effectivement, de, que les groupes se rencontrent et créent des liens, etc., c'est quand même surtout un brouhaha duquel sort peu de choses. Toutefois, c'était la première fois que ça se passait en Afrique. Donc, c'était aussi sûrement important pour les organisations africaines, puisque sans doute l'occasion aussi de créer des liens et des réseaux et en espérant qu'en tous les cas ça se fasse en dehors du forum social tous ces réseaux et donc on va donner un petit peu d'informations. On va peut-être pas essayer d'être trop lourd parce que de l'information il y en a plein au Mexique, ça fait des années que ça dure, on a plusieurs émissions, on ne peut pas répéter à chaque fois et parler de ce qui se passe puisque c'est le perpétuel recommencement, prisonniers politiques, torture, on te fait signer des fausses dépositions, donc en réalité tu n'étais pas sur les lieux des faits, mais tu te retrouves en prison et tu as signé le papier et puis parfois... la torture et puis tu signes des papiers ou pas, de toute façon tu disparais parfois aussi, donc la situation au Mexique est guère réjouissante, mais dans le reste du monde d'ailleurs c'est un peu la même. Et donc bon, par contre sur la question des apatistes, on avait déjà évoqué à plusieurs reprises la question parce qu'il y a une autre forme d'agression à travers tous les plans néolibéraux, les développements de projets touristiques, notamment en tous les cas dans la région du Chiapas. Et donc justement, l'idée du gouverneur du gouvernement fédéral de développer dans les prochaines années un programme touristique intégral sur la zone du Chiapas, profitant effectivement des superbes cascades et des sites mayas, etc. Donc depuis quelques années, il y a la Otra Campaña, donc l'autre campagne, et non pas seulement les Zapatistes. On l'a déjà donc évoqué là, cette autre campagne qui donc a pour objectif de créer des liens de solidarité entre les différentes luttes d'en bas et donc de se renforcer, de parvenir à se défendre réellement et donc à battre en retraite tous ces paramilitaires, ces projets, etc. Donc sur la Agua Azul, sur la cascade de Agua Azul, il y avait eu la prise par la Otra Campaña de ce qu'on appelle la caseta, c'est-à-dire l'entrée de ce lieu, et donc de le gérer eux-mêmes de manière à pouvoir prétendre réellement que les ressources naturelles bénéficient au peuple du Mexique et pas aux riches du monde. Et donc, il y a eu dispute, retrait de cette caseta, reprise, et attaque, etc. etc. Donc, il y a eu... Il y a eu différentes étapes et donc là, au jour d'aujourd'hui, il y a eu plus de 100 arrestations en fin janvier, début février, je ne connais plus exactement les dates. 10 sont détenus actuellement. Donc, ce n'est pas seulement ces 10 détenus dont je voulais parler, mais je profitais de cette... de ces nouvelles fraîches pour dire qu'effectivement, la situation de répression au Mexique s'aggrave, en fait. Effectivement, c'est quand même assez... c'est assez troublant puisque c'est effectivement sur tout le Mexique et il n'y a rien qui peut enrayer la machine. Bon, on sait que de toute façon, cette année, c'était l'année du Mexique en France. On a parlé de Florence Cassès, donc nous, on ne va pas en parler spécialement puisque c'est difficile. Apparemment, elle serait sûrement tombée dans un piège, mais comme tous les prisonniers du Mexique, puisque je pense que une grande partie des prisonniers mexicains sont souvent innocents, ou du moins les charges qui pèsent sur eux sont falsifiées. Donc, en tous les cas, apparemment, politiquement, il y a des enjeux importants. On a dit à plusieurs reprises que, effectivement, la France a pu un temps entraîner l'armée. Elle continue, en tous les cas, à lui fournir aujourd'hui des armes, comment on appelle ça, les armes, les petites armes là, qu'ont les polices, matraques, etc. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin, il y a tout un tas de matériel qui est vendu par la France. Donc, dans ce contexte de l'année du Mexique en France, Florence Cassez, des considérations sur la démocratie mexicaine et la justice et les réponses des gouvernements, etc., on s'aperçoit bien qu'il y a sûrement d'autres enjeux derrière entre le Mexique et la France et que c'est certainement pas malheureusement justement Florence Cassez, puisqu'on sait qu'il y a quand même d'autres prisonniers de citoyenneté française dans le monde et qui n'ont pas les faveurs des politiques. Donc voilà, on peut bien voir en tous les cas que cette année du Mexique en France risque donc d'être un petit peu entachée par pas que Florence Cassez, on espère que justement on pourra peut-être avoir l'occasion de manifester l'année du Mexique en France, peut-être à notre façon. En tous les cas, nous, on essaierait régulièrement de donner des informations au plus proche de ce que vivent les gens, donc en essayant d'avoir des invités, en essayant d'aller là-bas sur place, en essayant de se tenir au courant, de lire les communiqués, des interviews, etc., d'avoir du matériel. Donc si jamais vous êtes intéressé par la situation au Mexique, ou d'ailleurs, puisqu'on essaye aussi de s'ouvrir sur les luttes d'en bas et à gauche, partout où elles se passent. Évidemment, on n'est pas du tout exhaustif dans notre rapport, mais c'est une question de personnes. Donc, si vous avez envie d'entrer en contact avec nous, il y a la réunion du mercredi qui est une assemblée ouverte à 20h30 au 33 rue des Vignoles. dans les locaux de la CNT. Donc on se réunit tous les mercredis à 20h30. Donc vous pouvez venir, mais vous pouvez prendre connaissance aussi avec nous si vous ne nous connaissez pas le 5 mars. Donc je donne cette date tout particulièrement puisque c'est toujours plus facile de se rencontrer dans des moments festifs ou des moments de partage plutôt qu'en assemblée. Et donc le 5 mars, il y a la projection du film de Nicolas Desfosses qui est Viva México, qui est donc une reprise des rencontres des commandants zapatistes avec les luttes d'en bas et à gauche dans tout le Mexique. Donc je pense que c'est un beau film, un bon film aussi. Et donc on vous propose de venir le partager, de partager ce moment-là avec nous. Et il y aura sans doute après un petit repas, un moment festif où on pourra se rencontrer. Et pour les gens qui sont intéressés par le café ou par l'artisanat zapatiste, on a une petite permanence au 21 Terre, rue Voltaire, dans le 11e. Donc c'est métro rue des Boulets ou Nation éventuellement. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est le CICP, Centre International des Cultures Populaires. Donc au deuxième étage, j'ai une petite permanence de 16h à 20h tous les mercredis. Donc si vous voulez nous rencontrer également. Donc n'oubliez pas le 5 mars à 17h au 33 rue des Vignoles. On va se quitter, on fait une petite pause musicale. Hoy nuestro México, febrero 23, nos mandó Wilson 6,000 americanos, 3,000 caballos, 200 aeroplanos, buscando a Villa por todo el país. Y comenzaron a salir expediciones, los aeroplanos comenzaron a volar por distintas y varias direcciones, buscando a Villa, queriéndolo tronar. Francisco Villa, por todos los caminos, ponía una tumba diciendo aquí está ya. El valiente Pancho Villa, por eso nunca lo podían encontrar. ¿Qué pensarían ahí los americanos que nuestro suelo pretenden conquistar? Si ellos tienen muchísimos cañones, los mexicanos tienen lo principal. Los de a caballo no se podían sentar y los de a pie no podían caminar. Pancho Villa les pasa en aeroplano y desde arriba les dice goodbye. Cuando llegaron los vecinos a Chihuahua, en las afueras del pueblo de Parral, Pancho Villa les puso una emboscada de la que ni uno se pudo escapar. Se los llevaron al desierto de Chihuahua, los encerraron allá en el Carrizal. A los vecinos les puso Pancho Villa la paliza más fenomenal. ¿Qué pensarían ahí los americanos? Que combatir era un baile de carquís. Con la cara cubierta de vergüenza se tuvieron que volver a su país. Yo soy nacido en las sierras de Chihuahua, soy el soldado más fiel del batallón. ¡Viva Villa, que vivan sus dorados y que viva la revolución! FPP 106.3, la jungle des luttes. Donc on est sur la fin de notre programme, là on a encore 10 minutes, mais je pense qu'on va finir en musique parce que ça sert à rien de faire du blabla et de balancer trop d'infos, il y en a trop, alors comment faire les sélections? Plutôt pas. Par contre, j'en profite, donc je vous rappelle, 5 mars, 17h, 33 rue des Vignoles pour la projection d'un film, d'un bon film, Viva México, sur l'autre campagne. Je remercie aussi J2P, qui est le centre social dans le 19e, qui nous a invités il y a une dizaine de jours à une fête mexicaine qu'ils ont organisée dans leur centre social, où donc là, il y avait la projection d'un film de Christophe Cordier, qui est un document, enfin, qui n'est pas du tout un documentaire d'ailleurs, qui est un petit film et qui s'appelle Le Gros Trou. Pardon, donc bah, merci à J2P et à Christophe Cordier pour cette bonne soirée, et à La Masque et l'association, une association mexicaine qui est sur Paris et qui a quelques activités aussi. Donc c'était une journée agréable, et donc on se retrouve le mois prochain, bah, le troisième lundi du mois. Donc comme d'habitude, avec une retransmission dans la semaine, dans la même semaine, le jeudi matin vers 8h. Et on vous attend éventuellement, quand vous le voulez, à l'assemblée du comité, tous les mercredis à 20h30, 33 rue des Vignoles. Merci à tous, merci Pablo et à Magali à la technique, et merci à FPP de nous accueillir toujours. Merci Dédé encore, à tout bientôt, ciao. Tierra con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices, y por eso qué tristes viven los niños en las casas de cartón. Pero qué alegres, viven los perros. Casa del explotador. Y usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación. Pa' que no muerdan los diarios. quiero el patrón. Hace años, muchos años, que está mordiendo al obrero. Thank you.